sur le macadam, à faire plaisir aux dames. Je donnais le pion aux soldats de la répression, avec des chansons grises et des vers qui ne veulent rien dire. Ces amis de paille, gagnant de grandes batailles. Ô guerroie de grands soldats, aux belles idées noires, fusils en promotion, c'est l'heure d'une chanson racontant la révolution. Oh, libre cette femme, ainsi soit-elle, ainsi soit-elle. Lasse de révolution, putain, réveille-toi, sous les vestiges de la nation, où un jour tu dormais, sous les drapeaux en berne qui un jour flamboyaient, sous tes longues cernes qui un jour fleurissaient, avec la singe bleue et la vérité qui ment. Offre-moi un drap à coudre afin de passer le temps, du temps fleurissait les roses et les beaux idéaux. Nous n'étions pas nés, nous ne sommes pas de la bonne étoile. À 16 ans j'étais là, à marmonner des chants indiens, à croire qu'une chanson peut bien changer le monde. À 20 ans je n'étais pas là, j'oubliais mes poèmes. À 25 ans je suis bien là, à chanter la révolution. Je chante pour cette femme, oh libre ainsi soit-elle, charmant des oliviers, sur les terres enneigées, ces pays sans mot de mai. En bref, je chante, en bref, je chante encore, pour une révolution, la révolution, putain, réveille-toi, sous les vestiges de la nation, où un jour tu dormais. Les drapeaux en berne qui un jour flamboyaient, sous tes longues cernes qui un jour fleurissaient, avec leur singe bleu et leur vérité qui ment. Offre-moi un drap à coudre afin de passer le temps, du temps fleurissait les roses et les beaux idéaux. Nous n'étions pas nés, nous ne sommes pas de la bonne étoile. Nous ne sommes pas de la bonne étoile.